Hey, ezaka ka histoire biblico. Nzambe ya bato. Bato ya Nzambe. Et qui a une femme à toutes les femmes et qui a toutes les femmes n'a pas qu'une seule femme. Ah. Ton choix na yonini vraiment. Ah. Na linga kasi lelo na suke. Na kusa bolingo na fosera ngai de pa. Tontonyo sa senga kangai na sala kango. Au nom de l'amour, kasi bongo e fosé par calcul ya bolingo. Maman Nadine. Na linga mi pali kasi lelo na suke. Enga mwana mama na linga na ngai kameleyo. Ya zwa kalani nyoso ye hakomona. Epa ina ye selentere kitelo. Na kamwe. Pourquoi au pays de l'amour esika na ngai zala kate tonton. Anik Ngolondele. Tonton tala tongwe kota nangara sananga kola muka vendo tomolai. Obaya DG. Amour na yo tonton et dévoiler les voiles de mon cœur. Maïna sako rombela et tonina parfait à solo yan soto na yo tonton eh. Tonton yon te osali ennemi rapproche nanga. Tosa e langa kasi tosa na liti chavoli oye tonton eh. Octave Mbinyama SG. Et ça le cola, ba salaka na Samson. Ba tobora ye miso, ba kata ye pesuki. C'est vrai trahison, na déception, habit de confiance. Oh, oh, oh, oh. Honorable Serge Bouillard. Tonton yo sali, être le plus cher de ma vie. Tonton yo. Marien Ganibaki. Tonton, yon o kimi sakanga iba culte matina. Kiki le pétrolier. Yeba tonton, moto salaka pene ecclesia yenda salaka pene yan sambe ver. Emerosi kofunda. Ah tonton, soki na moni yoba sauce na ngaya nzoto etele makangui. Ado Passy, Blanchard et Tinga. Yvon Okomo, Dikarson. J'ai donné un tawapere. Pourquoi au pays de l'amour est-ce qu'on a gagné ça la cave tonton. Et Fred au canal l'homme. Ah tonton, yon a qui mis ça quand on a pas culte matina. Mandri qui tient fumou. Yéba tonton, moi toi ça la capene ecclesia yéna ça la capene yan sa mbefè. Ah tonton, soki na moni ya biloko na ngaya nzoto etele makangui. Martial Mon Kene na pesi yo rezo. Ouais. Kasi tika nga na panda tronki. Kabali makama na koma pasi kole kamwasi. Mato ima mbongi bape kisa yo peyo kakate. Sala rezonable. Babo minable. Babana na yo nako mamase kise yo kiyo tena pelina. Hello Dati, Rolvi, Allah le pétrolier. Et tonton Moudia le Bouma. Tonton partout. Abouma Awa, Abouma Kuna. Laurent Tassani. Et tonton DG Okonza. Tonton partout. Abouma Awa, Abouma Kuna. Na Eleki. Tonton Yebi Sanga, vous préférez na yogo nanye. Sorele o kante alinga yeba kuna ya. Uluka kanini pacheli la meto a yeba. Mikuse milaini ino mitani nyoso se ya ya. Mbanda konyo se o lingi se o okota. Oko kako yo kante firsi filipo azi. E e tonton e rodon o kwere. E tonton Ibarra tseke. Tonton partout. Jidite Ngolo. Aboma awa aboma kuna. Et tonton Rebe Barabuda. Tonton partout. Aboma awa aboma kuna. Na ya bosse bibiranda azalaka na chouette fallait un jour na tuna yeme noko zalaka boyko na nina le bio noko je jure de ma jeunesse je suis encore jeune nga a oui tete monde c'est baby a le bio or tant on a na kende ke na système na nga na peta ka losambo hein nzambe yo botine ma botine hein yo moto pesa moto bula ko sala botine na yo na komo kene makolongo ale batela ngai na nzambe na botine yo ko pesa confiance na nani yo bo mingai na komi otela ya chaque passe qui sonne ça maladie d'amour ya Chanel Milandu bona yo tonton na nimi babe nganga fetiche sa boli nganga bolingo ah dona obami motema divina plus bolingo e bominga bolingo e pareni na hoke mae ai bolingo e bomi akiana fonta e ixelinga e tonton ah tonton eh hey, tonton jislenga koso tonton bato bato aboma awa aboma kuna pacho muluba Mbata mosaka nangulu azamba kakaye Loko solo kuja etanda yena monoko ardenzi langimbi Lelo epa ya nisi, lobina denizia Sima lobina ya shasha siya Mbala liyoto Chéri nangre ozande citron Lole mounange meke confirme metu ingola za mbalie Enle a joke ozande enlilale Nasusa kaya male meno kimine sarangai Gomona fulata yo Pepe suki usuki Bobo lingwe kuzi Simananga ibe moso vize Mama yango na komite Kotrengale konzo valante Namule kanine Bomanga pokemona pikachu Yango na komine Kole la le la e Christian wadi Senga misholi dite siriake Hey, tonton Ale mapa Tonton patu patu Manido kuya Aboma awa aboma kuna Gogo Adrienne hey, Jean-Claude Okutana Tata partout partout Aboma awa aboma kuna Na eleki Ekle Natacha kele tenka Nesme ibo vi prekre Reyano Nzangiso Patrick Ilobakima Edite Bourifié Viedakise Judas Yoka Papi Soun Guy Mordon Amea Matuel Sanga Bazo Chipé Rompala Ya Albin de Bonda Simplice et Genoni Oya Maman Stella Gotor SDV Siria Gobili Oya Berthe Rosine Bourongo Lovner Misala Et Tata Tata Bato Bato Alex et Guanjobo Aboma awa aboma kuna Ya Faustin et Leli Eza Et tonton Ya César Mfuma Bilele Tonton partout partout Belinda Aïssa Aboma